Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, chute d'un empire, l'histoire de la fin de l'URSS. Le 25 décembre 1991, en direct à la télé, Mikhaïl Gorbatchev abat sa dernière carte. Assis dans un coin de salle austère, le visage grave, le président de l'Union soviétique démissionne. À Paris, Washington et Londres, les diplomates occidentaux savaient que l'URSS était en sursis. Politiquement troublée, économiquement exsangue et stratégiquement amorphe, la patrie de Lénine n'inspirait plus la crainte qu'elle avait fait peser pendant plus de 70 ans sur l'équilibre du monde. Mais personne pour autant ne pensait que son oraison funèbre interviendrait en ce jour de Noël 91. 30 ans après les faits, le premier protagoniste de cette histoire, Mikhaïl Gorbatchev, érigé en Occident comme un héros de la paix, est en Russie au mieux ignoré, au pire haï, voire désigné comme coupable. Pourtant, si la chute de l'URSS est liée à sa politique de réforme, elle a été aussi précipitée en coulisses par un duel fratricide entre ce même Gorbatchev et un turbulent apparatchik du nom de Boris Yeltsin. Et par miracle, tout cela sans guerre civile ni effusion de sang. Notre invité aujourd'hui, Maurice Weiss, professeur à Sciences Po Paris, historien spécialiste des relations internationales et de la guerre froide. Son dernier livre, Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, est paru en 2018 aux éditions L'Iconoclaste. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et avec les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 11 mars 1985, Moscou. Des chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier assistent aux obsèques de Konstantin Tchernenko, l'éphémère numéro 1 soviétique, un homme qui a régné dans un État aussi préoccupant et finissant que son pays. À cette occasion, le Parti communiste d'Union soviétique dévoile le nom et le visage de son nouveau premier secrétaire, le nouveau maître du Kremlin, un certain Mikhaïl Gorbatchev. C'est sans doute avec curiosité que les chefs d'État ou de gouvernement étrangers ont pris contact ou prennent contact en ce moment avec le nouveau chef de l'Union soviétique. Le monde entier se demande ce qui se cache derrière l'apparente courtoisie de ce jeuneau de 54 ans. Si l'on en croit une psychologue allemande, Madame Heidrun Brauer, qui a analysé les traits du visage de Gorbatchev, il s'agit d'un homme à poigne. La hauteur de son front et la présence d'une tache de vin sont, paraît-il, révélatrices d'une grande intelligence et d'une volonté qui s'impose au besoin par la force. Le regard perçant de ses yeux bruns trahit la ruse, l'humour et une mémoire d'éléphant. De légères rides au-dessus du nez sont la preuve de son réalisme et de sa vivacité d'esprit. Ses narines, légèrement évasées, indiquent qu'il a du charme, de la sensibilité et que c'est un fin gourmet. Ses grandes oreilles, instinct du pouvoir mais aussi chaleur humaine. Quant à son menton puissant, il montre que le nouveau patron du Kremlin peut apprécier les situations risquées avec calme et réflexion. Ça n'est donc pas un aventurier, conclut la psychologue allemande. L'histoire jugera. Premier constat. Après des années d'errement, tant politique qu'économique, les gérontocrates du Parti communiste semblent avoir accepté l'idée de laisser la main à une autre génération. Pour autant, le choix de Gorbatchev est-il synonyme d'une réelle volonté d'ouverture? Ce que l'on sait, c'est qu'à tout juste 54 ans, le nouveau numéro 1 soviétique incarne une génération de dirigeants qui n'a pas fait la guerre et qui n'a pas non plus fait ses classes au sein du KGB. Ce que l'on sait également, c'est que ce même Gorbatchev, originaire d'un milieu modeste, diplômé en agronomie puis en droit, a connu une progression éclair au sein de l'appareil d'État soviétique. Fin stratège, il a su jouer les consensus pour créer un rôle à sa mesure, celui d'un médiateur capable de temporiser les figures les plus dures du régime, tout en écoutant les plus modérés. Enfin, et c'est là un point très atypique de son parcours, bien qu'éduqué et formé à l'est du rideau de fer, Gorbatchev a souvent voyagé à l'ouest. En ce début de printemps 1985, en témoigne le piteux état dans lequel se trouvent certaines artères de Moscou, un constat s'impose. Gorbatchev prend les rênes d'une Union soviétique au bord du gouffre. Le système collectiviste sur lequel elle repose frôle l'agonie. Partout dans les républiques du bloc de l'Est, l'économie stagne. L'agriculture ne suffit plus à nourrir les populations, l'industrie, accaparée par l'effort militaire, est en pleine déroute. Un exemple, un seul, permet de prendre la mesure de la situation. En plein cœur de la capitale soviétique, les coupures d'électricité sont récurrentes et il est parfois difficile de trouver de l'essence ou même d'acheter des biens de consommation. De retour d'un séjour dans la capitale moscovite, la journaliste Hélène Pommier témoigne. Les difficultés d'approvisionnement restent l'un des problèmes fondamentaux des moscovites. Les magasins, surtout ceux d'alimentation, sont toujours aussi sommairement achalandés, surtout en ce qui concerne les légumes et les fruits. Les produits sont rares, souvent de mauvaise qualité, même ceux de consommation courante. Leur distribution irrégulière, anarchique, sauf pour le beurre et les œufs. D'un mois sur l'autre, on ne trouve plus de savon, plus de sucre, plus de fromage, plus de shampoing ou de pâte dentifrice. Il n'y a guère que dans les marchés kolkhoziens que l'on trouve une certaine abondance, mais à quel prix ? Considérée encore il y a peu comme une superpuissance crainte et respectée, l'Union soviétique est désormais un grand corps malade. Les chars et les hélicoptères de l'armée rouge qui autrefois écrasaient les révoltes à Prague, Budapest ou Varsovie sont eux-mêmes embourbés en Afghanistan dans une guerre absurde, lointaine et qui tourne au fiasco. Anecdotes qui en dit long sur le climat pesant à Moscou depuis plusieurs mois. Un petit livre s'échange de main en main et bien sûr à l'abri du regard des agents du KGB. L'ouvrage en question a été écrit par un historien russe, Andrei Amalric. Et son titre en dit long. L'URSS survivra-t-elle en 1984 ? Se basant sur des chiffres et des prévisions, l'historien démontre que dès 1969, l'Union soviétique allait droit à la ruine. Considéré par le régime comme une provocation, le livre est interdit et son auteur envoyé au goulag. Classique en URSS. Pourtant, en ce printemps 85, la thèse de Amalric résonne comme un terrible présage. Et la vraie question que beaucoup se posent maintenant, c'est de savoir si Mikhail Gorbatchev sera capable de changer le cours d'une histoire qui semble d'ores et déjà écrite. Sur France Inter, le journaliste Henri Amourou s'interroge. À moins de dire des bêtises, on ne peut pas aujourd'hui dire ce qui se passera dans un an, deux ans, encore moins dans 10 ans. Il y a effectivement avec Gorbatchev un changement d'équipe très profond, un changement de génération. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que chaque fois qu'il y a en Russie, le soviétique, un changement, la presse s'attache à des détails vraiment mineurs, sinon misérables. Par exemple, pour Andropov, on avait jugé l'homme parce qu'il buvait du whisky. Alors on disait, il boit du whisky, ça veut dire que, ça veut rien dire du tout, naturellement. Alors Gorbatchev s'est présenté, a fait un voyage en Angleterre, au mois de décembre, qui a été très réussi sur le plan de la propagande, de la presse, et il a une épouse séduisante, bien habillée, etc. On juge à travers ça. Je crois que c'est une erreur. C'est stupide. Ce n'est pas à travers cela qu'il faut juger. Dans les semaines qui suivent, à deux pas de la place rouge, derrière les épaisses murailles couleur ocre du Kremlin, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Mikhail Gorbatchev, est au travail. Sur la table, devant lui, des piles de dossiers témoignent des grands chantiers en cours. Conscient qu'il y a urgence à agir, Gorbatchev veut engager une politique de réforme profonde. Pour y arriver, le numéro un soviétique, c'est qu'il doit d'abord changer les hommes qui l'entourent. Dont acte, et sans faiblir. Les caciques du régime, dont la moyenne d'âge dépasse les 70 ans, sont remplacés par de jeunes cadres du parti. Parmi eux, Édouard Chevardnadze, propulsé à la tête du ministère des Affaires étrangères, ou Alexandre Lakovlev, un modéré, qui plus est anglophone. Il prend la tête du département de la propagande. Jouant d'un habile jeu de chaise musicale, Gorbatchev choisit tantôt des proches, tantôt sous recommandation. C'est le cas, par exemple, d'un jeune ingénieur originaire de l'Oural, nommé chef du département des constructions de l'appareil central du parti. Cet homme, de tout juste un mois son aîné, s'appelle Boris Eltsine. Très vite, Gorbatchev fait le pari que pour réformer l'URSS de l'intérieur, il lui faut un environnement international stable et sans tension. Et c'est ainsi que le nouveau locataire de Kremlin avance ses pions face aux États-Unis du président Reagan. Il multiplie les signes d'apaisement. Dans sa première interview à la presse étrangère pour le magazine American Time, il s'affiche comme le promoteur d'une désescalade militaire. De passage à Paris, quelques semaines plus tard, il confirme ses intentions pacifiques. Nous sommes alors à l'automne 1985. Il y a quelques jours, dit M. Gorbatchev, nous avons adressé au gouvernement des États-Unis la proposition d'interdire complètement chez l'un et chez l'autre les armements cosmiques d'attaque et de réduire de façon radicale de 50% les armements nucléaires capables d'atteindre le territoire des uns et des autres. Après une rencontre avec le président Mitterrand, le numéro 1 soviétique est accueilli à Londres par la première ministre britannique Margaret Thatcher. Et la question de l'enfermement des dissidents soviétiques est abordée publiquement. Au même moment, en URSS, bien loin du faste des réceptions diplomatiques et des photographes, Boris Yeltsin est lui aussi au travail. Le secrétaire du comité central se rend dans les usines, sur les marchés, il prend les transports en commun, il interroge les moscovites et construit avec eux un lien de confiance. Il se taille le costume d'un homme proche du peuple. Au début de l'année 1986, après un an sous la direction de Gorbatchev, l'URSS est devenue fréquentable et paraît même ouverte au dialogue. C'est alors qu'un événement d'ampleur inédite vient bouleverser l'équilibre placaire sur lequel repose la démarche du nouveau dirigeant soviétique. Pas un seul de vos journaux qui n'évoque ce matin en première page l'accident de Tchernobyl en Union soviétique. Et pour cause, c'est la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Les soviétiques donnent pourtant toujours aussi peu de détails, mais les services de renseignements américains, qui disposent notamment de satellites espions, estiment qu'il y a bien eu fusion du cœur du réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le toit de la centrale aurait été soufflé et des pans entiers des murs entourant le réacteur accidenté se seraient écroulés. De la fumée continuerait d'ailleurs à s'élever au-dessus du site. Le 30 avril 1986, un nuage radioactif poussé par les vents balaye le continent européen. Après plusieurs jours de déni et d'atermoiement, l'Union soviétique reconnaît qu'un accident très grave a eu lieu dans l'une de ses centrales nucléaires situées en Ukraine. Au-delà des préjudices humains et environnementaux, la catastrophe de Tchernobyl agit comme un révélateur aux yeux du monde. Pour la première fois, les faiblesses majeures de l'URSS sont mises au jour. Retard technique, vétusté technologique, incompétence de ses dirigeants dans la gestion de la crise, mensonges à répétition... La tragédie nucléaire du printemps 86 fait vaciller le pouvoir communiste. Certains disent que la chute de l'URSS commence là, à ce moment précis. Humilié, Gorbatchev limoge les responsables de l'armée, accusé de lui avoir caché des informations. Mais surtout, le numéro 1 soviétique en profite pour justifier la mise en place de l'une de ses plus importantes réformes, la glasnost, ou politique d'ouverture et de démocratisation de la vie publique. Oui. La glasnost, c'est aussi la transparence. Les dictatures mentent, c'est leur lâcheté. Les démocraties assument, c'est leur honneur. Et manifestement, Gorbatchev penche pour la deuxième solution. Conséquence, en décembre 86, de nombreux intellectuels et opposants politiques sont libérés des goulags. Parmi ceux qui retrouvent leur liberté, le physicien Andrei Sakharov. Au printemps 87, le Kremlin se transforme en une scène sur laquelle chacun des acteurs incarne une contradiction. Gorbatchev, attaché au changement et acharné à les mettre en œuvre, est soumis à de fortes pressions du Politburo et aux hésitations de son premier ministre. Car après la glasnost, l'objectif affiché par le numéro 1 soviétique est de desserrer l'étau autour de l'économie pour relancer la productivité, autrement dit. Une remise à zéro du système, une restructuration, c'est la perestroïka. Gorbatchev sait que les conservateurs du parti vont tout faire pour l'en empêcher, alors il va ruser. Au mois de novembre, après le 70e anniversaire de la révolution d'octobre, il publie un livre qui va faire trembler une partie de l'élite dirigeante soviétique. Intitulé « Perestroïka, une nouvelle pensée pour notre pays et pour le monde », cet ouvrage affirme que le seul projet d'avenir est une révolution économique venue d'en haut et d'en bas. En se réclamant de Lénine, en revendiquant son héritage, Gorbatchev réussit un tour de force. Pour autant, le chemin vers la démocratie et la libre économie de marché en URSS est encore long, incertain. Comme en témoigne le correspondant de France Inter à Moscou à l'époque, Ulysse Gosset. Effectivement, il semble que la plupart des soviétiques soient convaincus qu'il se passe quelque chose vraiment maintenant en Union soviétique. Je crois qu'il y a effectivement un certain espoir de voir les choses changer et bouger après presque deux décennies d'immobilisme. Mais la question que tout le monde se pose, et lorsqu'on parle avec les soviétiques, on s'en rend très vite compte, c'est de savoir si véritablement il n'y a pas un risque de retour en arrière, une espèce de coup de bâton. Vous savez que l'histoire soviétique récente, depuis la Révolution, a montré qu'il y avait assez souvent des phases, non pas de libéralisation, mais d'ouverture, qui permettaient une plus grande expression des intellectuels, par exemple. Et puis tout d'un coup, on revenait 10 ans, 20 ans en arrière. Et alors, les gens se demandent aujourd'hui, bon, d'accord, Gorbatchev, on le voit, et il parle beaucoup, il a annonce des réformes, mais est-ce qu'il ne risque pas d'être bloqué dans ses perspectives? Et est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas à nouveau, disons, les soviétiques qui pourraient faire les frais d'un enthousiasme mal compris? Preuve que rien n'est joué, en effet, quelques mois plus tard, à l'automne 1987, lors du plénum du Parti communiste, Mikhaïl Gorbatchev est soumis aux critiques. Et parmi ceux qui se dressent contre lui, il y a Boris Yeltsin. Yeltsin, personnage jusqu'ici marginal de la vie politique en Union soviétique, profite de son discours face au comité pour dénoncer la lenteur des réformes, mais aussi pour accuser Gorbatchev d'avoir bâti une politique sur des promesses fallacieuses et de s'octroyer tous les pouvoirs. À bien des égards, la violence des propos de Yeltsin peut surprendre lui qui doit son ascension à Gorbatchev. De quoi peut-il se plaindre? Ce serait oublier qu'il est un politique et qu'en coulisses, depuis des mois, il maudit le politburo qu'il considère trop faible pour aller au bout des réformes. Car lui, Yeltsin, l'homme de la nomenclatura qui fréquente le peuple, en est convaincu, il faut réformer par la force. Exit du politburo, placardisé, victime d'un malaise cardiaque, la carrière d'Yeltsin aurait pu s'arrêter là, en novembre 87. Mais c'était sans compter sur l'aide providentielle qu'allait lui fournir une nouvelle fois Gorbatchev. Car le numéro 1 soviétique a besoin d'hommes comme Yeltsin pour jouer les troubles faits et montrer à la ligne dure du régime qu'il existe des réformateurs encore plus ailés que lui et que lui, Gorbatchev, fait donc figure de modéré. Cette tension au sein de l'appareil d'État peut-elle perturber le calendrier des réformes? Interrogée sur France Inter, l'historienne Hélène Carrère-Dancos revient sur l'opposition entre Yeltsin et Gorbatchev. Réduire cela à des querelles de personnes est extraordinairement superficiel. Derrière cela, il y a incontestablement une opposition sur, non pas sur la philosophie du projet de changement, en revanche sur les rythmes du changement, sur le style du changement et sur le style d'un certain style de pouvoir. Il est bien évident qu'il y a débat. Tout ce qui se passe en URSS est le produit d'une négociation qui a des allers-retours, que Gorbatchev lui-même parle tantôt plus haut et plus vigoureusement, tantôt atténue ses propos, ce qui indique bien qu'il y a des tiraillements. Printemps 88, Belgrade. En voyage en Yougoslavie, à l'invitation du maréchal Tito, Mikhaïl Gorbatchev décide de pousser son avantage et prend une nouvelle fois les observateurs de cour. Lors d'une allocution publique face aux ambassadeurs des pays membres du pacte de Varsovie, l'équivalent de l'OTAN pour l'Est, le numéro 1 soviétique prononce un discours pionnier sur l'indépendance des partis communistes. Premier pas, peut-être, vers une possible émancipation des pays membres. Voilà plusieurs mois, en effet, que des manifestations nationalistes secouent plusieurs capitales des républiques soviétiques, des pays baltes, du Caucase et d'Asie mineure. À Tallinn, Yerevan, Tbilissi, Bakou, Tashkent, les troubles font plusieurs dizaines de morts sur fond de crise identitaire et parfois religieuse. Gorbatchev, conscient du danger que représentent ces mouvements, consent à lâcher du lest pour éviter l'implosion. En parallèle, il prend une autre décision marquante qui sonne le glas d'une époque. Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, mettant ainsi fin à presque une décennie d'affrontements qui ont tourné au fiasco pour l'armée rouge. À Kaboul, les généraux de l'armée rouge le répètent à qui veut l'entendre. Le retour des soldats soviétiques au pays n'est pas une retraite et encore moins une défaite. Ils affirment que leurs troupes s'en vont après avoir rempli leur mission internationaliste, la défense de la révolution afghane. Certes, le départ du corps expéditionnaire était inconcevable avant l'arrivée au pouvoir d'un homme aussi déterminé que Mikhaïl Gorbatchev. Mais ces défilés de chars à travers Kaboul, remontant vers la frontière soviétique, marquent bien la fin d'une époque. Jusqu'à présent, en effet, le Kremlin envoyait ses conseillers et ses soldats étendre l'influence de l'Empire soviétique autour de la planète. Aujourd'hui, Moscou rappelle ses hommes au bercail, sans avoir imposé ses alliés communistes, laissant un pays en guerre autant déchiré qu'au mois de décembre 79. Kaboul, Ulysse Gosset, France Inter. À Moscou, la ligne dure du régime fulmine. L'URSS s'humilie aux yeux du tiers-monde et fait acte de faiblesse face à l'Occident, hurle certains. Mikhaïl Gorbatchev, lui, reste persuadé qu'il peut contourner tous les obstacles en matière de politique internationale en jouant la carte de l'apaisement. Lors du nouveau congrès du parti en juillet 88, une nouvelle bataille l'oppose à la tribune avec Yeltsin. Gorbatchev contre Yeltsin, décidément. Et l'affrontement tourne encore une fois à l'avantage numéro 1 soviétique qui en ressort triomphant. Mais le malaise est bien là. Dans l'ombre, Yeltsin continue de capitaliser sur le mécontentement du peuple russe face à la hausse des prix et des pénuries. Ainsi, lorsque s'achève l'année 88, trois ans après le début des réformes entreprises par Gorbatchev, le poids de son action est considérable. Sur le plan international, les relations entre l'URSS et les États-Unis se sont normalisées. Chaque camp envisage désormais une réduction de son arsenal nucléaire. Sur le plan de la politique intérieure, le pouvoir soviétique, qui reposait jusque-là sur l'autorité centrale du parti, se retrouve décomposé sous les effets de la glasnost et de la perestroïka. Mais jouer les apprentis sorciers en matière de politique n'est pas sans risque. Dans les pays du bloc de l'Est, les réformes menées par le numéro 1 soviétique vont avoir des effets imprévus. Source de divergences entre les peuples, elles vont donner l'élan à des mouvements d'émancipation hors normes et ainsi faire de l'année 89 celle de toutes les révolutions. Grâce à lui, Gorbatchev, assurément l'un des grands de l'après-guerre. Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. А-а-а. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. А-а-а. Лето, сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда, да да да да да да да. Лето, все хулиганы три гостета. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда, да да да да да да да. Лето, штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться в водоем. А-а-а. Лето, недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Лето, лето, лето. Une brèche de 300 mètres est déjà ouverte. Pince Monseigneur en main, des soldats se sont attaqués dès hier matin aux deux rangées de grillages de 2 mètres de hauteur, tandis que des tracteurs arrachaient un à un les piquets de béton enfoncés 1 mètre dans le sol et que d'autres soldats récupéraient en les enroulant autour de bâtons les fils électriques dont le simple contact alertait les gardes frontières. La destruction des 260 km de frontières durera 18 mois et pour ce premier jour, l'événement avait attiré des journalistes du monde entier qui ont pu ramener en souvenir un petit morceau de fil de fer barbelé. Mai 1989, en Hongrie, l'impensable se produit. Le nouveau gouvernement de Budapest ordonne à ses soldats de retirer les barbelés sur sa frontière avec l'Autriche. Et bien sûr, les candidats à la liberté s'engouffrent dans la brèche. Plusieurs milliers de personnes, en grande majorité des Allemands de l'Est, passent à l'Ouest. Car Gorbatchev leur a dit « Laissez passer, je ne veux pas de victimes ». Elle est là, la vraie révolution. Elle est le fait d'un homme, de son courage, de son humanité et de son incroyable lucidité politique qui tranche tellement avec la cécité coupable de ses prédécesseurs. Pris à témoin, l'Occident assiste avec vertige à l'effondrement de la première carte du château de l'Empire soviétique. Cet épisode illustre dans le même temps la vague démocratique qui souffle sur l'Europe de l'Est en ce printemps 89. Elle déferle par des manifestations et des soulèvements dans les rues de Prague, Varsovie et même Bucarest, où le chef de l'État roumain, Nicolae Ceaușescu, appelle le Kremlin pour demander l'aide de l'armée rouge afin, dit-il, d'arrêter la contagion. Mais à l'autre bout du fil, Gorbatchev fait alors un choix décisif. Pas question d'intervenir. Le président ubuesque de la Roumanie en est pour ses frais. Au même moment, à Moscou, les premières élections législatives depuis plus de 70 ans en Russie se déroulent dans une ambiance de manigance. Malgré les tentatives de déstabilisation, Boris Yeltsin est élu député du peuple à une très large majorité. En en coulisses, les réformateurs du Politburo accusent Gorbatchev, élu lui président du Soviet suprême, d'avoir tout fait pour saboter l'élection de son rival, et ils lui refusent de lui accorder leur confiance. Les sondages en témoignent, à partir de juillet 89, l'impopularité de Gorbatchev, autant aux yeux de la classe politique que de la société civile, grandit. Telles sont les injustices de l'histoire. Lancé, Yeltsin s'intronise chef de file de l'opposition et réclame le multipartisme. Allié pour la circonstance au physicien Andrei Sakharov, libéré du goulag grâce à la glasnost, il joue à plein la démagogie et harangue un peuple qui a perdu confiance dans les réformes. Il est vrai que malgré la perestroïka, l'économie soviétique reste moribonde. Mais enfin, réformer en 4 ans un système dont l'impéritie a plombé le pays pendant 70 ans est difficile. Les rayons vides des magasins d'alimentation en témoignent. Ici, à Moscou, la tension grimpe au fil des semaines. C'est bien à Berlin que le monde entier va avoir les yeux rivés à l'automne 89. Les Allemands de l'Est réclament la fin d'un régime tyrannique, vestige du stalinisme. Gorbatchev l'a bien compris. Et en secret, avec l'aide du KGB, il tente de renverser le dirigeant est-allemand Erich Honecker pour le remplacer par un modéré. Mais le vent de l'histoire va encore une fois bouleverser ses plans. Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle. La liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne. Extraordinaire, sensationnel, en un mot historique, les qualificatifs n'ont pas manqué pour cet événement. C'est hier soir à 19h, en effet, que le gouvernement est-allemand a annoncé l'ouverture des frontières entre RDA et RFA. La nouvelle décision spécifie que le passage à l'ouest est possible pour les ressortissants de l'Est avec des visas délivrés sans délai et à partir de ce matin. Mais encore une fois, la rue a été plus rapide que l'administration. Une foule enthousiaste s'est présentée au point de passage et les redoutables Vopo, les gardiens du mur, ont baissé les bras et les armes. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur de Berlin, symbole de la division entre l'Est et l'Ouest, s'effondre. Gorbatchev, qu'on n'avait pas osé réveiller cette nuit-là, apprend la nouvelle au petit matin et dit « Les autorités est-allemandes ont bien fait de laisser passer les gens au poste de frontière. La liberté sans le sang, un théorème gorbatchevien. » Si Gorbatchev ne prend pas davantage position sur le dossier est-allemand, c'est en partie parce qu'il doit gérer un autre problème, un problème de politique intérieure, la question du multipartisme. Harcelé par Yeltsin et Sakharov, Gorbatchev doit user de sa position au comité central pour couper l'herbe sous le pied à ses deux détracteurs. Problème. Au mois de décembre 89, le physicien Sakharov meurt subitement d'une crise cardiaque, quelques jours après un échange très tendu avec Gorbatchev lors d'un congrès. Le jour de ses obsèques, la foule qui défile devant son cercueil va huer le nom de Gorbatchev, symbole de l'impopularité grandissante du chef du Kremlin. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Le 1er mai 1990, lors du défilé pour la fête du travail, Gorbatchev est pris à partie par la foule et quitte la tribune officielle. Boris Yeltsin jubile et poursuit son ascension, élu président du Parlement de la Fédération de Russie. Comme en témoignera par la suite l'un des conseillers de Gorbatchev, Anatoly Tchernaïev. Au fil des mois, Yeltsin endossait l'image de patron de la Russie quand l'image du chef du Kremlin ne cessait de pâlir. En voyage officiel en France, il en profite pour critiquer la perestroïka. À son retour en Russie, lors du congrès des partis, il annonce qu'il rend sa carte du parti. Après un bref discours, il quitte une salle partagée entre applaudissements et huées. À la tribune, Gorbatchev est abasourdi. Filmé par la caméra, on le voit hésiter quelques secondes avant de se ressaisir. Le Parti communiste, symbole de l'URSS, est discrédité. À la fin de l'année 90, il y a deux Gorbatchev. Celui contesté au sein de ses propres frontières et celui que voit le monde extérieur. Dans les capitales occidentales, le chef du Kremlin apparaît comme l'homme de la paix, des réformes et, pourquoi pas plus tard, de la démocratie. Sa rencontre à Malte pour mettre fin à la guerre froide avec le président américain George Bush en est le symbole. Sa consécration comme prix Nobel de la paix, l'illustration. Printemps 91, à Moscou, par une matinée pluvieuse, plusieurs berlines noires traversent la place rouge et s'engouffrent par l'une des entrées du Kremlin. À bord, des généraux. Ces dernières semaines, les choses se sont en effet précipitées dans les pays baltes. Face aux insurrections menées par les mouvements nationalistes, Mikhaïl Gorbatchev a accepté d'envoyer l'armée rouge. Bilan des dizaines de morts et des centaines de blessés. En réaction, plus de 500 000 personnes défilent près du Kremlin et réclament sa démission. Gorbi, pour les intimes, a joué à contre-courant de ce qu'il est profondément mauvais signe, comme s'il avait perdu la main. Helsinki, l'opportuniste en profite. Sans vergogne, il se rend à Vilnius et fait le jeu des nationalistes. Alors, pour tenter de trouver une sortie à la crise, Gorbatchev propose de soumettre le destin de l'URSS au choix des urnes. Un référendum dans les 15 républiques de l'Union pour dire oui ou non à l'Union, mais auquel Yeltsin fait ajouter pour les Russes la mention suivante. Voulez-vous un président pour la Russie? Dans la foulée, Yeltsin est élu président de la Russie. Dans les semaines qui suivent, c'est dans ce climat délétère que Moscou est le théâtre d'une tentative de coup d'État à l'été 91. Chers auditeurs, le président Mikhaïl Gorbatchev, incapable d'assurer ses fonctions pour raison de santé, a été remplacé dans sa charge, suivant l'article 127 de la Constitution, par le vice-président Gennady Yanayev. Dans certaines régions de l'Union soviétique, l'état d'urgence est proclamé pour une durée de 6 mois. Ceci a été diffusé lundi par l'agence TASS. Le 19 août 1991, à Moscou, les chars de l'armée rouge envahissent la ville. Des soldats prennent position autour du Kremlin. Gorbatchev, retenu en otage en Crimée par un groupe d'apparatchiks encadré par le KGB, qui prend le pouvoir. Pendant 3 jours, le monde entier retient son souffle. Tenant tête aux putschistes, Boris Yeltsin ressort comme le grand héros de cet événement. Décidément, il sait y faire. Et sans la moindre élégance, il pousse le bouchon encore plus loin. Il demande à Gorbatchev de lire les noms des putschistes à la tribune du Congrès des partis. Dès lors, le numéro 1 soviétique est contraint de jouer les seconds rôles et de s'effacer derrière Yeltsin, président de la Fédération de Russie. Et l'URSS, elle, se prépare à plonger dans les abîmes. Quelques mois plus tard, le 8 décembre 1991, le président russe et les présidents de Biélorussie et d'Ukraine se réunissent à Minsk. À l'issue de leurs échanges, ils concluent la dissolution pure et simple de l'URSS. Le 21 décembre, à Almaty, 11 pays de l'Union décident de mettre un terme à l'État fédéral. L'URSS n'existe plus. Voilà. C'est dans ces conditions funestes que le 25 décembre 1991, à 18h, Mikhaïl Gorbatchev, président d'un État sans pouvoir, sans armée, sans levier, prend la parole à la télé. Dans un coin de salle, sans faste, le visage grave, le regard troublé, il annonce sa démission et il prononce le tout dernier discours officiel de l'histoire de l'Union soviétique. Chers compatriotes, chers concitoyens, vu la situation qui s'est créée avec la fondation de la Communauté des États indépendants, j'arrête mes activités en tant que président de l'Union soviétique. Gorbatchev restera celui qui, en Union soviétique, a osé soulever le couvercle. Il s'est ébouillanté. Encore fallait-il avoir le courage de le soulever, ce couvercle, et de marquer à jamais l'histoire du monde. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la chute de l'URSS dont nous allons parler avec notre invité Maurice Weiss. Bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po Paris, historien, spécialiste des relations internationales et de la guerre froide. Vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur cette période. Votre dernier livre, Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, est paru en 2018 aux éditions L'Iconoclaste. Alors si aujourd'hui la chute de l'Empire soviétique nous paraît comme un événement presque logique, vu l'état dans lequel se trouvait le pays au milieu des années 80. Personne pourtant, au printemps 85, ne pouvait sérieusement envisager cette chute, surtout en découvrant Gorbatchev, en se disant, tiens, l'URSS est en train de changer de visage. Et puis en 91, elle s'écroule. Est-ce qu'elle s'écroule, finalement, comme un fruit mûr? Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne, vraiment personne, n'avait prévu ces événements. Bien entendu, on peut toujours trouver des gens qui, à l'avance, ont prédit quelque chose. C'est le cas en particulier d'Andrei Amalric, un écrivain russe, précisément, dont nous avons parlé dans Récit, oui. Avait écrit un ouvrage intitulé « L'URSS suivra-t-elle en 1984 ?» Évidemment, en rapport à un autre ouvrage très célèbre. En réalité, voilà un homme qui s'était trompé seulement de quelques années. Mais, soyons clairs, la plupart des gens, de tous les observateurs, et en particulier les fameux soviétologues, n'avaient absolument pas prévu cet effondrement. Alors, quelles sont les coulisses de la mise en orbite du camarade Gorbatchev? Peut-être faut-il évoquer le rôle de l'un de ses prédécesseurs à la tête de l'Union soviétique, Yuri Andropov, un personnage finalement mal connu, pourtant essentiel dans le destin de l'URSS. Si je ne m'abuse, Andropov avait déjà un peu l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il était le mentor de Gorbatchev? Oui, sans aucun doute. Il faut bien comprendre que ça n'est pas le premier réformateur. J'imagine que dans votre question, il y a l'idée que Andropov était réformateur. Oui, il était réformateur, comme d'autres avant lui, et qui avaient essayé de réformer l'Union soviétique. Et il n'avait pas réussi. Et Andropov, en tant que patron du KGB, avant d'être à la tête de l'URSS, voilà, effectivement, était parfaitement au courant des faiblesses de l'Union soviétique. Et le problème pour lui, lorsqu'il est arrivé comme secrétaire général à la suite de Brejnev, il faut bien dire, Brejnev est resté pendant un temps très long à la tête de l'Union soviétique, et à la fin, il n'était plus que une statue qui ne faisait pas grand chose et qui avait momifié en quelque sorte l'Union soviétique. Le glacis, le fameux glacis. Voilà. Quand Andropov arrive, il est certainement un homme qui veut réformer, mais le problème, c'est qu'il va rester très peu de temps, puisque il reste de 82 à 84 à la tête de l'Union soviétique, et que en ces quelques dizaines de mois, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Après, il y a la parenthèse Tchernienko, donc là, voilà, encore moins longtemps. Donc. C'est-à-dire que on a l'impression que d'être secrétaire général de l'Union soviétique, du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est-à-dire patron de l'Union soviétique, et c'est-à-dire être au Kremlin, et en quelque sorte le vestibule du cimetière. C'est le cas d'Andropov, c'est le cas de Tchernenko, qui reste même pas un an, et arrive Gorbatchev. Alors pourquoi est-ce que Gorbatchev? Eh bien, en effet, il doit son ascension à Andropov. L'un et l'autre sont des hommes qui viennent de la province du Nord-Caucase de Stavropol. Ils sont connus, et Gorbatchev s'est fait une spécialité, lui qui a vécu dans une atmosphère rurale, il s'est fait une spécialité de l'agriculture, des questions agricoles. Et il se rend compte combien l'Union soviétique, qui était une productrice de céréales et donc de blé, etc., n'arrive pas à fournir ce qu'il faut pour nourrir la population. Donc ça va mal. Ça va mal. Il y a une anecdote rapportée par une personne qui accompagnait François Mitterrand lors d'un voyage en URSS. Je crois qu'Andropov est au pouvoir, c'est plus Brejnev, c'est Andropov. Et précisément, Gorbatchev revient du Caucase. Les ministres de l'Agriculture, il est invité à la réunion, et Andropov lui dit « Alors, monsieur le secrétaire, monsieur le ministre, qu'est-ce qui va pas ?» Et Gorbatchev répond devant tout le monde: Mais rien ne va, monsieur le secrétaire. Oui. Rien ne va. Oui, oui. Et il le dit devant des Occidentaux. Oui. Et François Mitterrand est impressionné. Il se dit, oulala, il est intéressant celui-là. Oui. Et Mitterrand, si j'ai bien compris, ou c'était à mon avis Roland Dunois, oui. lui dit, mais en fait, depuis quand est-ce que ça va si mal? Et Gorbatchev de répondre, depuis 1917. C'est D'accord. évidemment ouais. catastrophique. Alors, en effet, il y a une nécessité de réformer l'Union soviétique, pas seulement le domaine agricole, mais c'est par ce domaine-là que Gorbatchev arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir en mars 1985 et en fait c'est une espèce de révolution parce que ses prédécesseurs sont arrivés au pouvoir assez âgé, on parle de gérontocratie, lui il a 54 ans ou à peu près quelque chose comme cela, et il est décidé à réformer l'Union soviétique. Est-ce qu'au bout du compte, parce qu'après on parlera de la chute, Gorbatchev a-t-il fait le choix inverse de Deng Xiaoping en Chine? Le premier, Gorbatchev, veut sauver le régime communiste tout en réformant le système, les libertés publiques, mais toujours une économie planifiée. Le second, le chinois, lui, conserve la dictature, mais libéralise l'économie. Est-ce que ce sont des choix inversés, finalement? Oui, je ne sais pas si l'on peut vraiment comparer l'un et l'autre. En réalité, comme on le sait, les deux mots d'ordre de Gorbatchev, c'est perestroïka, d'un côté, c'est-à-dire on réforme, on restructure tout, et puis glasnost. Ouais. Or, d'une certaine façon, ces deux termes, ces deux notions, ces deux grandes orientations étaient antithétiques l'une avec l'autre parce que elles allaient mettre en branle toute une série de phénomènes internes dont Gorbatchev n'a pas pu sortir. Ouais. En quelque sorte, comme il est très bien dit dans le documentaire que vous venez de passer, c'était en quelque sorte la boîte de Pandore. C'est la boîte de Pandore. Il ne fallait pas ouvrir. Il soulève le couvercle. Oui, il soulève le couvercle et il était bouillanté. Qui est Pandore? C'est cette femme merveilleuse, parée de toutes les vertus, de toutes les beautés que Zeus crée de toute pièce, mais simplement il lui dit je te confie une boîte, mais qu'il ne faut surtout pas ouvrir. Et parmi les vertus ou les qualités qu'avaient ou les défauts qu'avaient donné les différentes divinités à Pandore, il y avait la curiosité. Et évidemment, Pandore ouvre la boîte et c'est exactement ce qui se passe en Union soviétique. Tout va aller à volo. Mais encore, fallait-il avoir le courage d'ouvrir la boîte? Sans aucun doute, il y avait beaucoup de courage. C'est le grand mérite historique oui, de Gorbatchev. Sans aucun doute. On en reparle, on continue cette discussion passionnante, Maurice Weiss, dans quelques minutes où on parlera du processus de la chute. Dépêche Mode sur France Inter, Policy of Truth. Nous parlons aujourd'hui dans Affaires Sensibles de la chute de l'Empire soviétique, la chute de l'URSS en décembre 91, à Noël. Maurice Weiss avec vous, historien, spécialiste de cette époque-là et des pays de l'Est. Bien sûr, il y a une révolution interne avec Gorbatchev, avec la glasnost et la perestroïka. Il y a une redistribution également des cartes diplomatiques, redistribution majeure, avec des résonances aujourd'hui. Oui, absolument. Il faut bien comprendre que Gorbatchev a bien saisi le problème. L'Union soviétique dépense trop d'argent pour son armement. 16% environ de son produit national brut, ce qui est énorme, et par conséquent qu'il lui faut diminuer la course aux armements qui avait fait la fierté de l'Union soviétique, il faut bien le dire. L'Union soviétique avait la fierté d'être devenue à parité, d'avoir obtenu la parité avec les États-Unis d'Amérique. Et par conséquent, la course aux armements et qui a duré aussi jusque dans les années 80, puisqu'il y avait les fameuses, non seulement la guerre des étoiles lancée par Reagan, mais également le problème des euromissiles. Et tout cela pèse énormément sur le budget de l'Union soviétique, et Gorbatchev comprend parfaitement que pour restructurer, pour réorganiser, pour réformer l'Union soviétique, il lui faut diminuer les armements et obtenir d'ailleurs de l'aide économique de l'étranger, en particulier de l'Allemagne. Et là, on a cette résonance par rapport à notre période actuelle qui est la question de ce qu'on appelle les forces nucléaires intermédiaires, qui étaient ces fameux euromissiles et SS-20 qui avaient été érigés à la fin des années 70 et au début des années 80. Et Reagan et Gorbatchev réussissent à sortir de ce problème des forces nucléaires intermédiaires en décidant en 1987 par le traité de Washington que ces forces nucléaires intermédiaires seraient non seulement limitées mais aussi supprimées. Tous les missiles à tête nucléaire entre 500 d'une portée de 500 km à 5500 km basés à terre devaient être non seulement limités mais détruites. Et c'était une véritable révolution. Oui. Alors, bien entendu, ça n'était qu'une toute petite partie de l'arsenal nucléaire des États-Unis et de l'Union soviétique. N'empêche que c'était un mouvement, un phénomène considérable. Et on le voit maintenant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme vous le savez, ce problème des forces nucléaires intermédiaires vient de réapparaître puisque les États-Unis ont considéré que les Soviétiques et les Russes ayant pris d'autres dispositions, eh bien les États-Unis ne se considéraient plus tenus par le traité FNI de 1987. Est-ce qu'on peut dire également que l'IDS, l'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles, a provoqué une surenchère de dépenses, c'était un leurre finalement, et que les Soviétiques ont beaucoup dépensé pour contrer ça et qu'ils se sont encore plus ruinés? Oh, sans aucun doute. Sans aucun doute, il y a eu une course aux armements ruineuse pour les États-Unis d'ailleurs, et pour l'Union soviétique, et il fallait en sortir absolument, et d'où l'idée de Gorbatchev qu'il fallait arriver à un désarmement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les pays occidentaux ne sont jamais très confiants quand les Soviétiques ou les Russes maintenant parlent de désarmement, parce que ils estiment que il y a derrière tout cela probablement une espèce de trouble et de proposition qui n'est pas tout à fait honnête. Or, chez Gorbatchev, c'était une proposition parfaitement honnête parce que il en avait besoin de diminuer le budget et par conséquent de pousser le complexe militaro-industriel soviétique à arrêter ses dépenses. Et d'un autre côté, il voulait absolument obtenir de l'aide des Occidentaux et par conséquent, il ne pouvait pas obtenir l'aide des Occidentaux sans diminuer les dépenses d'armement. Maurice Weiss, avant de dire dernière question, quel est votre regard, votre explication globale, vous, sur la chute de Mikhail Gorbatchev? Parce que ça n'est pas que le travail de Yeltsin, ça n'est pas que l'œuvre Yeltsin, évidemment, cette chute. Non, je crois que Gorbatchev était un vrai réformateur, qu'il était un réformateur qui ne voulait pas en finir avec le communisme, c'était pas un anti-communiste, et c'était un homme qui voulait réformer le communisme de l'intérieur, mais au fond, son ambition était trop vaste, et surtout, la contradiction entre, d'une part, la glasnost, d'autre part, la perestroïka, était trop forte, et qu'il se heurtait, en plus, non seulement au complexe militaro-industriel et au KGB, mais aussi aux réformateurs impatients comme l'était Eltsin et qui a réussi à le mettre dehors. Que reste-t-il, en un mot, vraiment, de l'héritage de Gorbatchev dans la Russie de Poutine ? Sans aucun doute, un héritage épouvantablement négatif. Ouais. Dans la Russie de Poutine, on considère que ce qu'a fait Gorbatchev, c'est une catastrophe. Et c'est le plus grand désastre de l'histoire du XXe siècle. C'est l'une des plus belles injustices de l'histoire aussi, Maurice Weiss. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la chute de l'URSS, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.